Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Quel est le rôle de Satan dans l'Apocalypse des autres? » Ajouterait quelqu'un d'inconnu. Satan, l'atmosphère, une question comme ça. Qu'est-ce que c'est Satan? Ou qui est Satan? Ou qu'est-ce que Satan? C'est trois questions différentes. Ok, je vais recommencer par la première. Qui est Satan? Personne. Qu'est-ce que Satan? Un mot. Ah oui. Pas sorti de l'auberge. Que représente le mot Satan? Effectivement. Bon, on commence. Que représente le mot Satan? C'est quelque chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui tend à l'atmosphère. Satan à l'atmosphère. Satan, ça représente le mal, ça représente une force d'involution, ça représente, je ne te dis pas que c'est exactement ce que c'est ce que ça représente le mal, ça représente une force d'involution, ça représente ce qui contrôle ou manipule l'humain pour que l'humain se désassujettisse des forces d'évolution, pour que l'humain se désassujettisse des forces luciférienne. C'est une mécanique, ce qui, donc Satan représente la mémoire laissée par l'effusion de la conscience de l'homme dans les contextes planétaires, c'est-à-dire que Satan représente la mémoire du chemin que l'humain a pris pour parvenir jusque sur ce monde. Dans certaines religions, la religion catholique entre autres, d'où le terme Satan est surtout tiré, ça représente ce qui a amené la chute de l'homme. Maintenant, la chute de l'homme, c'est une illusion, c'est-à-dire que Satan représente le chemin par lequel l'homme est venu sur la Terre. Et c'est pourquoi, dans la conscience théologique, émotive et intuitive de certains personnages du passé, Satan représentait donc ce qui avait entraîné la chute, alors que Satan était la mémoire de la chute. C'est plus la route que la cause. Ça. C'est Dieu la cause. Téléphone. Dites à Dieu que... T'es occupé? Ça m'occupe. Tout au septième ciel. Donc, Satan, c'est la cause. C'est pas la cause, c'est la route. Oui, c'est ça. Pourquoi? Et ça va être aussi la route de la remontée de l'homme. Donc, d'une partie de l'humanité, mais pas de toute l'humanité. Est-ce que ça veut dire que notre perception du mot Satan ou de ce que ça représente va changer dans le temps? Ah, ben ça, c'est évident que la perception du mot Satan va changer dans le temps. Satan va être dilué par l'humain, Satan va être digéré par l'humain, Satan va totalement disparaître, ainsi que le monde de la mort. Les mécaniques lucifériennes vont être de plus en plus apparentes à l'échelle de la planète. Les mécaniques lucifériennes, donc ce qui est relié à Lucifer. Lucifer, dans le passé traditionnel d'une religion, entre autres la religion catholique, Lucifer veut dire porteur de lumière. La lumière a toujours été le symbole de l'évolution, le symbole des divinités, que la lumière s'appelle Ra, que la lumière s'appelle Quetzalcoatl, que la lumière s'appelle Soleil. C'est une question de vision, une question de conscience, et Lucifer étant un porteur de lumière, il est nécessairement celui qui engendre l'humanité, Lucifer étant le père de l'humanité actuelle, et Lucifer va retrouver un peu plus de puissance, étant donné que Lucifer, c'est une mécanique extrêmement christique, une mécanique extrêmement supramentale, une mécanique qui fait partie de l'intelligence active, donc de l'Esprit-Saint, mais qui, dans l'antique historicité de la planète ici, Lucifer a eu comme fonction de, en suivant un cheminement fusionnel, même chose que ce que les mécaniques michaéliennes vont suivre pour engendrer un corps humain christifié qu'on a connu sous le nom de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, le Nazaréen, le phénomène luciférien va reprendre le dessus très prochainement. D'ailleurs, c'est commencé depuis un grand bout de temps, malgré que beaucoup d'humains restent convaincus que Lucifer est quelque chose de dangereux. Oui, on a la perception chez plusieurs personnes que Lucifer, c'est aussi synonyme de diable, comme Satan est un synonyme de diable. Oui, bien c'est ça. Ça, c'est des impressions, évidemment. C'est des erreurs. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux Lucifer, il y a deux Christ, il y a deux Satan, il y a deux diables, il y a deux Belzébuth, il y a deux Ahriman, il y a deux plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que c'est et il y a l'idée que les gens s'en font. Dans ce que c'est, cela laisse des traces dans les annales akashiques, c'est-à-dire dans la mémoire du temps, dans le périsprit du monde de la mort planétaire, dans le ciel. C'est ce que c'est. Mais ce que l'humain pense que c'est, ce que l'humain émotivement vit que c'est, va engendrer des égrégores. Et ces égrégores-là, étant engendrés par la conscience expérientielle de l'homme, sont nécessairement plus facilement connectables à l'humain. Étant donné qu'ils sont plus facilement connectables à l'humain, intuitivement, parce que l'humain fonctionne du point de vue théologico-émotif d'une façon intuitive, intuitivement, l'humain aura toujours l'impression, il ne saura pas ce que c'est, mais il aura l'impression, et cette impression vient de l'égrégore créé par les humains qui n'ont pas compris à l'époque la mécanique qui les faisait s'effuser, se terrestrifier, s'humaniser, chuter. Et l'humain ayant un contact intuitif avec ses égrégores a toujours l'impression que les mécaniques sont des mécaniques néfastes. Ce qui, à un moment donné, a participé énergétiquement à l'effusion de l'humanité, garde, va laisser une trace dans la conscience de ce qui reste de l'humain comme étant ce qui a engendré une chute. Comme c'est ce qui, dans la conscience intuitive de l'humain, reste comme trace ce qui a engendré la chute, étant donné aussi que l'humain devait être investi de deux illusions majeures lorsqu'il a été terrestrifié, la première, c'est celle du libre-arbitre, la deuxième, c'est celle de la responsabilité, ce qu'on appelle la culpabilité. Cela est important pour que l'humain considère qu'il était puni, et donc pour que l'humain accepte sa condition de terrestrifié, c'est-à-dire d'animal humain habitant sur une planète de Terre. Maintenant, lorsque l'humain, dans sa conscience, est effusé, le premier morceau de ce qu'il était, le premier morceau, ce n'est pas le premier morceau, mais disons, le morceau le plus évolué qui a été abandonné dans le contexte de la planète Terre a été une conscience de lumière qui a été par la suite appelée Lucifer. C'est la mémoire de ce qui a été abandonné. Si on l'a abandonné, l'humain, dans sa conscience, va considérer émotivement que c'est ça, étant donné que c'est plus puissant, qui a abandonné l'humain. D'où premier rejet. Deuxième partie qui va être abandonnée par l'humain, on parle de grosses parties, les parties les plus connues, parce qu'il y a plusieurs autres phénomènes qui ont été, disons, qui se sont séparés de l'humain lors de son effusion. L'effusion, c'est le procédé, c'est ce que l'humain appelle la chute, mais la chute, c'est coloré émotivement comme étant une décadence, alors qu'une effusion, c'est simplement une procédure mécanique qui permet à de la conscience de devenir de la terre, de la matière, pour être capable par la suite de conscientiser la matière en faisant un retour temporel vers le centre source, ce que l'humain appelle aussi l'évolution. Deuxième mécanique qui est totalement rejetée par le phénomène de l'humain va être la mécanique des dieux. La mécanique des dieux, on aura les mécaniques jéhoviques, les mécaniques brahamiques, on aura les mécaniques yaviques, on aura différentes mécaniques dans le genre, qui vont être abandonnées et encore une fois, abandonnées plus proches de l'homme. Étant donné qu'ils sont abandonnés plus proches de l'homme, l'humain pourra considérer soit qu'il a été abandonné par les dieux, ce qui a été le cas pendant longtemps lorsque les dieux s'appelaient Zeus, etc., et l'humain pourra considérer qu'il a été créé par eux autres. Maintenant, une des dernières parties que l'humain aura tendance à abandonner, c'est ce qui va engendrer ce que l'on appelle Satan. Maintenant, Satan est constitué de différentes mécaniques. Premièrement, l'être humain est constitué d'énergie et dans l'énergie, c'est quelque chose qui peut être conservé sous différentes formes. On peut conserver de l'énergie sous la forme d'une arme à feu. On peut conserver de l'énergie sous la forme d'un marteau. Alors, on peut prendre du métal à en faire une bombe, on peut prendre du métal à en faire une épée, on peut prendre du métal à en faire un incubateur. C'est du métal conservé sous différentes formes. Étant donné que lorsque l'humain est descendu, il a accumulé chez lui la mémoire de son passé, c'est-à-dire la mémoire émotive de ce qui se rappelait de son effusion, en l'occurrence les phénomènes lucifériens, les phénomènes peut-être michaéliens dépendant des individus, les phénomènes qui vont être divins, les phénomènes qui vont être sataniens, les phénomènes qui vont être arimaniens. L'humain va conserver ses mécaniques, et étant donné qu'il les vit chez lui, mais qu'il n'y a à peu près pas accès, il aura tendance à devenir un maître esclave, c'est-à-dire que c'est l'humain qui a engendré toute cette mécanique, parce que ce qui reste de l'humain a oublié que c'est lui qui avait engendré, il devient l'esclave de ce qu'il a créé. Le phénomène luciférien est un phénomène extrêmement intéressant parce que Lucifer est une conscience de lumière qui n'a pas la capacité, parce qu'il n'est pas suffisamment proche de la Terre, donc parce qu'il n'est pas suffisamment terrestrifié, Lucifer est une conscience de lumière qui n'a pas la capacité de diriger l'humain convenablement dans une évolution sans risquer de tuer l'humain ou de rendre l'humain fou. Lucifer ferait en sorte qu'on aurait des initiations plutôt solaires. Très solaire, et Lucifer fait en sorte que dans la majorité des cas d'initiation solaire, l'initiation est trop rapide, trop puissante, donc l'humain a vie de grand danger. Est-ce que c'est pour ça que l'image qu'on a de Lucifer n'est pas la réalité de Lucifer? L'image qu'on a, surtout au niveau théologique, c'est que Lucifer, voulant réparer une erreur de Dieu, ou voulant faire mieux que Dieu, a voulu accélérer le processus de l'humain, a voulu donner une conscience à l'homme, a voulu libérer l'homme du joug de l'ignorance, et ce n'était pas prévu par le plan de Dieu. En réalité, si Dieu est tout puissant, c'était prévu, sinon il n'y aurait même pas créé Lucifer. En tout cas, et donc Lucifer est une mécanique qui est intuitivement, émotivement par nos ancêtres et encore par beaucoup de peuplades ancestrales qui vivent aujourd'hui, Lucifer est une mécanique justement qui veut trop faire bien. C'est ce qui va amener dans les théologies bien souvent l'idée que ne vous prenez pas pour Dieu, faites attention pour ne pas faire ceci, faire cela, parce que Dieu pourra se venger. Parce qu'il y a eu un temps où ce que tu avais qu'à dire je suis Dieu, puis il y avait apparemment une foudre géniale qui venait te faire éclater. Bon, alors, évidemment, tu peux le répéter souvent à Dieu, puis la foudre ne revient pas depuis qu'on a inventé le paratonnerre. Enfin, c'est une question de technique. C'est ça l'évolution. C'est ça l'évolution. Alors, donc, c'est une vision qui est un peu manquée de Lucifer. Les phénomènes divins, c'est une vision aussi qu'on a de manquer. Les phénomènes divins, l'humain reste convaincu, attaché à l'idée, premièrement, que les dieux l'ont créé, alors que c'est lui qui a créé les dieux. Les dieux ont évolué au même rythme que l'humain. Les dieux de colère et de vengeance sont devenus des dieux de paix, de pardon et d'amour lorsque l'humain a cessé d'être vengeur et a voulu commencer à vivre en société. Les dieux deviennent des dieux qui sont compatissants, qui souffrent pour l'humain quand l'humain commence à compatir et à souffrir pour les autres. Et dans les pays, par exemple, où on a des peuples très guerres, belligérants, on aura des dieux qui veulent encore la guerre. On peut parler de certaines conceptions du mot ou du dieu Allah, qui fait que tu ne peux rejoindre le dieu qu'en mourant sur un champ de bataille et en tuant des infidèles. Alors, nécessairement, les dieux sont en affinité avec l'humain, le peuple. Est-ce que Satan, quant à lui, a toujours été perçu comme étant négatif depuis... Satan a toujours été perçu comme étant négatif, surtout parce que le phénomène satanique ou satanéen... Satanique, c'est dans la condition, disons, négative. Sataniane, c'est une condition plutôt mécanique, plus cosmique, plus compréhensive du phénomène Satan. Satan a toujours été considéré comme étant négatif. Pourquoi? Parce que Satan est ce qui a finalisé l'ouverture de la conscience chez l'homme. C'est négatif de quelle façon? C'est négatif. Pourquoi? Parce que les divinités qui ont été... Bon, on a Lucifer qui, lui, va essayer de sauver l'humain de la phase matérialisante, c'est-à-dire que lorsque notre conscience est arrivée sur le contexte planétaire, elle a eu tendance à devenir totalement animale. Pour qu'elle ne devienne pas animale, il fallait qu'elle soit animée d'une conscience astrale, donc d'une âme. Pour être animée d'une âme, il fallait qu'un certain contact reste entre le corps, le peu de conscience qui nous restait, et une partie qu'on avait abandonnée pendant notre effusion. Cette partie est devenue pour nous les dieux. Les dieux contrôlent donc l'âme de l'homme et contrôlent sa structure animale. Les dieux sont des égrégores. Les égrégores, comme l'âme, peuvent mourir d'ennui. C'est-à-dire que si elles ne sont pas nourries par la répétition d'habitudes, qui dans le cas des dieux s'appellent des rituels, des rites, des traditions, si les égaux, les égrégores divins ne sont pas nourris, lentement, ils deviennent de la matière aussi, parce que tout dans le contexte du plan planétaire tend à se refroidir. C'est une planète involutive. Si on arrête de prier, on arrête de réchauffer les grégores. Exact. Mais pour éviter cela, les dieux qui contrôlaient les corps physiques par les âmes ont engendré l'évolution de l'animal humain, c'est-à-dire l'évolution de l'âme, une évolution totalement illusoire parce que l'âme n'évolue absolument pas. L'âme apprend des choses, mais l'âme ne comprend pas. Les âmes n'évoluent pas. Les âmes apprennent. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle a comme objectif? C'est de transformer de l'énergie astrale, c'est-à-dire de capter de l'événement, la transformer intuitivement en émotion, traduire l'émotion en sécrétion endocrinienne dans un corps physique. Et là, le cœur accélère, il y a transpiration, il y a plusieurs expressions. L'ego va lire, l'âme va lire l'expression biologique et cela va servir de nourriture par le canal réincarnationnel. Cela va nourrir les dieux. Donc, on doit accepter la souffrance, disant que c'est Dieu qui le veut. On doit remercier Dieu le moindrement qu'on est content ou qu'on a du plaisir. On doit prendre nos plus beaux veaux et les offrir à Dieu pour manger les plus pires, pour souffrir un peu plus. Ça nourrit les phénomènes divins. On doit faire la guerre, les guerres saintes. On doit faire, enfin bref, tout ce qu'on peut s'amuser à faire au nom des dieux. C'est-à-dire qu'on nourrit les dieux. Maintenant, ce qui va arriver... Est-ce qu'on nourrit Satan quand on fait des choses comme ça ou on nourrit Dieu? On nourrit Satan... Et on nourrit les dieux. Mais on va nourrir Satan d'une autre façon. On nourrit Satan surtout par les immenses colères, mais quoi qu'on nourrit quand même Dieu, parce que Satan, finalement, est une partie de Dieu, mais la partie la plus proche de l'homme. Comme j'expliquais à un moment donné, faire un pacte avec Satan ou un pacte avec le diable, qui est un peu autre chose, qui est un peu plus proche encore de l'homme, c'est plus rapide pour avoir un résultat que de faire un pacte avec Dieu. Tu es malade, fais un pacte avec Dieu, ça peut prendre 20 ans avant que Dieu te guérisse. L'énergie étant trop éloignée de l'homme, de la matière, fais un pacte avec Satan, ça peut prendre 10 ans. Fais un pacte avec le diable, ça peut être instantané. Par contre, au niveau karmique, il y a des problématiques, c'est-à-dire que l'âme, lorsque tu vas mourir, ton âme, toi, l'expérience de ta vie, va intégrer les parties astrales reliées à celui avec qui tu as fait un pacte, c'est-à-dire que karmiquement, tu t'assujettis maintenant à lui. Alors, si c'est un pacte avec Dieu, tu vas aller dans le ciel, mais tu auras sans doute souffert toute ta vie, tu seras mort, crucifié, brûlé ou quelque chose du genre. Si c'est un pacte avec Satan, ce sera moins pire, avec le diable, ce sera un peu plus intéressant, pire, ça nourrira. Donc, ce qui arrive, que dans l'Antiquité, l'humain est totalement confiné à être assujetti, à être l'esclave des dieux. À un moment donné, il y a, à travers ce qui a été abandonné, Lucifer abandonné plus haut, au-delà de ça, c'est la conscience, ce qu'on appelle l'Esprit Saint dans l'Antiquité étymologie, qui est la conscience supramentale, les phénomènes divins, ben, luciférien, les phénomènes divins, Satan, beaucoup plus proche de l'homme, le diable, Ahriman, on aura Belzébuth qui est totalement planétaire. Maintenant... C'est quoi la différence entre le diable et Satan? Bon, le diable, c'est une mécanique. Le diable, c'est toute la misère de l'humain, vécue dans l'expérience de l'humain, qui reste attachée à l'expérience de l'humain, dans l'individualité des réincarnations. Autrement dit, toi, tout ce que tu vis qui t'enrage va créer une mécanique diabolique qui va t'entourer. Elle peut devenir familiale à la longue, et normalement, le phénomène diabolique s'attache à des lignées génétiques de réincarnation, donc à des lignées familiales. Le phénomène satanéen, lui, s'adresse à une grande collectivité, sinon à une totalité planétaire. C'est-à-dire que c'est la fusion de toutes les misères planétaires réunies ensemble. Donc, c'est en même temps aussi, quand on parle des misères planétaires, on parle de tout ce qui... Parce que dans l'évolution, dans l'illusion de l'évolution de l'ego, tout ce qui doit s'adapter au neuf devient une misère, une souffrance, ce qui fait qu'une grande partie de tous les anti-hommes qui seront abandonnés lors de la mort des corps physiques deviendront sataniques. Et les anti-hommes que lui-même va rejeter va devenir aussi le phénomène satanien. Est-ce que vu par l'ego, le diable sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose, mais je vais juste t'expliquer pourquoi Lucifer s'est servi de Satan pour réveiller la conscience de l'homme au détriment de Dieu. Parce que finalement, dans la Bible, c'est pas ça du tout, c'est que Dieu nous a fait pur et parfait, tellement parfait qu'il fallait juste que Satan vienne pour nous fourrer bien raide. Donc, si on est comme Dieu, Dieu a dû se faire amoisser, fait longtemps lui avec. Alors, il y a la conscience de l'humain, il y a l'intelligence créatrice des mécaniques de terrestrification, donc des mécaniques qui vont être le mental, qui vont être les phénomènes lucifériens, mental, qui vont être les phénomènes divins, les phénomènes sataniens, aller jusqu'à l'homme. Pour que la conscience de l'homme ne reste pas assujettie aux dieux, les dieux qui ont eu un temps, les dieux, à l'origine, les dieux, c'était tous des paquets de petits égrégores dans un monde de la mort, dans le monde astral, et il y avait des guerres régulières entre les dieux, il y avait des dieux jaloux les uns des autres, il y avait des conflits réguliers. On massacrait les humains pour le plaisir d'Aphrodite ou de Diane. Ce sont des noms qu'on donnait. Lentement, ça s'est aggloméré un peu plus selon des égrégores. On a eu le peuple d'Odin, on a eu le peuple de Zeus, on a eu un paquet de phénomènes du genre. Et il y avait donc une pluri-théologie. Jusqu'à temps que, finalement, Moïse vienne unifier, selon un monothéisme plus concret, la mécanique des mondes du ciel, et les dieux secondaires sont devenus des anges, des archanges, puis finalement, on avait un dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et patati patata. Maintenant, avant que cela se fasse, il y avait donc un paquet de conflits. L'être humain était totalement le jouet de toutes ces mécaniques célestes, de ces mécaniques divines. La conscience, pour pouvoir récupérer l'humain, laisser une partie d'intelligence dedans, devait envoyer, faire descendre de la lumière. Cette lumière, c'est un porteur de lumière qui l'amène, qui étymologiquement s'appelle Lucifer. Lucifer, passant par-dessus la mécanique des yeux, vient communiquer avec ce qui est proche de l'homme, un phénomène sataniéen, qui est la mémoire, qui fait partie des dernières mémoires suffisamment conscientes de la lutte qu'a fait l'homme pour ne pas devenir terrestrifié. L'homme savait moins, l'homme savait plus, l'homme luttait, engendrant les mémoires de Satan. L'homme maintenant est fait à l'os, il est simple à noter. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la mécanique ici finit par manipuler suffisamment un peuple qui va s'appeler une race adamique, qui est une race plus ou moins extraterrestre, qui va venir par imprégnation tenter de sauver la race humaine en engendrant une âme dans l'humain. Mais il faut faire attention par sauver. La race adamique est mandatée par des mécaniques divines. Elle est restreinte dans le contexte planétaire par des mécaniques divines uniquement pour engendrer une âme dans les corps animaux qui, de la Lémurie, peuvent devenir la race humaine d'aujourd'hui, engendrer une âme vide. Une âme qui pourra être totalement assujettie à la mécanique des dieux. C'est l'enveloppe qu'on vient faire? Exactement, une âme de périsprit, une enveloppe périspritique, une âme totalement vide qui permettra une âme de zombie. Et là, les dieux pourront ce qu'ils voudront. Pendant cette mécanique adamique, la mécanique luciférienne vient s'occuper de toutes les dernières luttes de souffrance de l'humain pour venir manipuler une partie de la race adamique à avoir des relations sexuelles avec la race humaine. Et ayant une relation sexuelle, cela va engendrer une espèce de bâtard, c'est-à-dire un mélange, un animal humain avec de la génétique de phénomène adamien, donc de phénomène extraterrestre. Cet être humain qui vient au monde a une âme, c'est évident, parce que la race adamique avait une âme, sauf qu'il a une âme avec une conscience d'ego, ce qui n'est pas prévu par les dieux. Donc, l'humain, dont on parle évidemment de... Maintenant, il s'est venu, ben, on parle, tu sais, l'arbre, etc., puis bon, l'arbre planté en plein milieu du jardin, tu prends un homme, tu l'écartes un peu, puis en plein milieu du jardin, il y a un arbre, c'est facile de trouver. Alors, c'est extrêmement symbolique, mais quand même. Et, tu parles de l'arbre? Oui. Cela engendre donc une race humaine qui a l'âme que les dieux avaient permis à la race adamique de l'égal humain, mais en même temps, vu que ça s'est fait génétiquement, c'est beaucoup trop rapide, ça a aussi un ego, et ça a un ego qui peut dire non. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu par le phénomène divin. Et à partir de là, eh bien, les dieux vont dire, voyez toute la marde que vous avez, c'est suite à ça, vous avez désobéi. Vous savez, un jour, il y a un homme, une femme qui ont bouffé une pomme, payez pour, c'est la justice de Dieu. Et moi, quand j'étais jeune, je disais à Dieu, oui, mais moi, j'ai pas mangé de pomme, j'ai pas connu Adam et Ève, j'ai pas connu rien, pas grave. Présente-moi Adam et Ève que je les casse la gueule, au moins. Non. Alors, ce qui est arrivé simplement, c'est que les dieux se sont servis de cette erreur de leur part pour culpabiliser l'humain et lui dire maintenant que avant vous auriez vécu nu, vous auriez gelé, il y aurait eu des tyrannosaures pour vous ramasser de temps en temps, vous auriez vécu comme l'humain va vivre sur une planète refroidie, mais vous ne l'auriez pas su. Donc, vous auriez été totalement heureux. On vous aurait coupé un bras, vous n'auriez pas souffert, on vous aurait crevé un œil, vous auriez été totalement heureux. Parce que ça aurait été un animal. Oui, mais maintenant, vous avez de la conscience, gagne de con, bien, souffrez. Bien, c'est ça, l'humain souffre. Tu gagneras ton pain et la sueur de ton front. Ça avait toujours été comme ça. Il fallait qu'on. Je ne veux pas, ça ne change rien. Mais qu'est-ce que ça. Que le pain n'existait pas à l'époque dans les dents. Le pain, il fallait du blé, il fallait le four, il fallait du feu, il fallait cuisiner, il fallait la recette, la levure. Puis Satan, qu'est-ce qu'il y avait à faire là-dedans, lui venir faire manger la pomme? Le serpent, c'est Satan a été survolté par la mécanique luciférienne. Satan, c'est la mémoire des dernières luttes de l'humain en terrestrification. Nous sommes suffisamment conscients, puis plus nous gelons, rapprochant du plan planétaire, vient à un moment donné qu'on a un soubresaut de haine contre la terrestrification, un soubresaut de refus d'involution, autrement dit de création, parce que du point de vue de la planète Terre, on est créé par les dieux, mais du point de vue du reste, on dit franchement, on est plutôt décréé. Et ce refus, c'est Satan. C'est une lutte. Satan va être planté dans la conscience de l'humain, en même temps qu'une partie de Lucifer, c'est ce qui va engendrer une âme égoïque, avec l'idée maintenant d'évolution, de retourner vers le centre source, la partie luciférienne, et Satan étant les derniers vestiges de la lutte pour nous empêcher d'eux, va devenir ce qui va permettre à l'humain de transformer la matière, c'est-à-dire le monde des dieux, pour l'adapter au corps physique de l'humain, permettant de rendre plus agréable la vie obligatoire sur le plan planétaire. Donc Satan va devenir ce qui va empêcher l'humain de se suicider, maintenant qu'il a une conscience luciférienne qui lui dit « Sacre, à bleu, je devrais être ailleurs », et Lucifer va empêcher l'humain de devenir que de la matière, parce que maintenant, il a une conscience qui lui dit « T'es autre chose, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui manque à la planète. T'es pas juste un être vivant, t'es pas un corps de chair, t'es pas un bon. » Est-ce que c'est toujours le conflit aussi entre la richesse matérielle et la spiritualité? Non, la spiritualité, c'est les dieux qui essaient de venir te dire que la richesse matérielle est un problème, alors que les prêtres sont, en tout cas, eux autres, ça pourrait pas être un problème pour eux autres. Et les dieux vont essayer de te dire que le sexe, c'est dangereux. Trop de jouissance, c'est dangereux. Trop de plaisir, c'est dangereux. Trop de souffrance, ça, c'est pas dangereux. Tout ce qui limite l'humain, les dieux sont d'accord pour. Tout ce qui permet à l'humain de développer sa conscience, les dieux sont contre. Mais est-ce que l'argent permet de développer la conscience? Absolument. Est-ce que le luxe... L'argent permet de développer la conscience, sauf que Satan étant une légère problématique, Satan étant orchestré de façon à ce qu'on se plaise sur la matière, à ce qu'on se plaise sur le plan planétaire, lentement, Satan va être épaulé par ce qu'on va appeler Ahriman, qui lui va être la luxure. C'est-à-dire que c'est la richesse des prêtres, la richesse d'un paquet de personnages puissants qui, à un moment donné, vont se galvauder à travers toute cette richesse-là, ce qu'on leur en donne trop, parce que le peuple voulait absolument avoir les béatitudes des dieux. Si tout le monde ici m'amène un veau, j'en commence à en avoir des veaux. Lentement, tu gaspilles, lentement, tu t'en fous, et ça crée un égrégore qui fait partie de l'égrégore proche de Dieu, de l'égrégore de l'élite, de l'égrégore de ceux qui doivent monter, des puissants. C'est la luxure, et c'est là que la matière finit par venir donner raison aux dieux. Celui qui cumule trop de matière finit à peu près toujours par se faire avoir. Il devient un être humain qui ne veut plus évoluer. Mais encore une fois, on a deux formes d'évolution. Il y a l'évolution où on veut plaire à Dieu pour être sauvé, pour avoir une place quelque part dans le poulailler, et il y a une évolution où on veut comprendre ce qui se passe, on ne veut pas plaire à personne. Dites-moi pourquoi faire ceci, pourquoi qu'il arrive cela, on veut comprendre. Cette évolution-là est luciférienne. Et il faut faire attention, donc luciférien ne veut pas dire mauvais. C'est mauvais si ça ouvre la conscience trop rapidement chez un individu qui ne peut pas. On parle d'initiation solaire, pourquoi? Si tu regardes le soleil en pleine face, tu deviens aveugle. Le soleil, c'est vraiment pas génial. C'est plutôt dangereux que mauvais. Mais c'est ça, c'est qu'on te met donc des verres fumés. Initiation lunaire, qui devient donc l'évolution théologique archangélique des peuples, où tu peux regarder le soleil, mais tu ne vois pas autant que celui qui n'a pas de verres fumés. Par contre, tu vas pouvoir voir plus longtemps. Sauf si tes yeux sont maintenant prêts à regarder le soleil, il n'y a plus de problème. Lucifer étant trop loin du plan planétaire, s'ajuste mal à l'incapacité humaine et il devient tamponné, premièrement par les religions, Donc, les religions sont extrêmement utiles pour tamponner la descente de Lucifer qui descend trop rapidement. Et il va être supporté par la mécanique de Satan, parce que chaque fois que l'humain commence à se réveiller, ben, l'humain ne veut plus vivre. Satan va l'obliger à rester en vie. Et c'est extrêmement essentiel. C'est pas dans le monde de la mort qu'on évolue, c'est en étant vivant. Donc, ça, c'est la mécanique qui va faire en sorte qu'à un moment donné, Lucifer ainsi que Satan vont déjouer un plan des dieux pour faire en sorte que l'humain finisse par avoir une conscience. De ce fait, ayant une conscience, l'humain découvre qu'il souffre. Et c'est pas parce que vous avez péché que vous souffrez. Non, c'est parce que vous avez péché que maintenant vous vous rendez compte que vous souffrez. Sauf que par la souffrance, on découvre. Découvrant, on va maintenant essayer de s'en sortir. Ça fait des milliards d'années qu'on essaye. Et on n'essaye pas, on réussit progressivement, mais il reste encore du chemin à faire. Ce qui permet à l'humain de parvenir vers quelque chose d'extrêmement salutaire. Encore une fois, que la théologie appelle l'apocalypse. Mais il faut faire attention, c'est que ce que je dis, moi, je ne dis pas que le diable, c'est bon. Je ne dis pas que Lucifer, c'est bon, que les religions, c'est bon. Tout est bon, tout a une utilité. Est-ce que tout a un rôle? Tout est utile, justement? Absolument, tout a un rôle. Sinon, c'est une mécanique, donc, mais c'est là, c'est pas gratuit. On est dans un phénomène réactionnel. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'humain considère et a considéré longtemps comme étant mauvais, bien souvent, c'est ça, justement, qui sauve l'humain. Et ce que l'humain a souvent considéré comme étant bon, ça a été ça longtemps qui a nui à l'humain. Alors, si on regarde les religions qui demandaient les sacrifices humains, ben, vous saviez tous à l'époque, quand vous avez vécu, qu'il fallait tuer nos plus beaux enfants pour qu'ils pleuvent. C'était évident. Puis quand on en tuait un, il ne pleuvait pas, on en tuait un deuxième. Puis il y a toujours un moment donné quand on tuait le bon, l'inspectable voir. Bon, c'était évident, c'était prouvé. Alors, c'était les bonnes choses, on faisait les bonnes choses. Quand il y a un imbécile, mais alors là, mais vraiment un imbécile, qui s'est levé pour protéger sa fille ou son fils... S'il m'a dansé pour avoir de la pluie. Ah, ben là, ouais, c'est ça, il s'est mis à danser pour avoir de la pluie, ou encore, il a offert un veau ou quelque chose d'autre, ou il y a un volcan qui a éclaté. Ben, lentement, lui, premièrement, c'était le mal. C'était le mal. Il voulait empêcher Dieu d'avoir ce que Dieu nous avait donné. Dieu te donne un fils, il peut bien le reprendre s'il veut. Qu'est-ce que t'as à foutre là-dedans? Alors, c'était le mal, le bonhomme. Mais lentement, on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'a pas réussi à tuer celui qu'il fallait, puis il s'y met le ouais pareil. Fait qu'on a pensé que peut-être les dieux vont changer d'idée. Mais parce qu'il y a des humains qui changent d'idée et que les dieux changent d'idée. Les dieux sont souvent en retard, les dieux. C'est l'astral, ça apprend, ça évolue pas, donc c'est long. Et lentement, on en arrive jusqu'à aujourd'hui où on peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est ceci, qu'est-ce qui est cela. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'humanité a peur, parce que les dieux sont prévus, il y a longtemps, en envoyant des personnages qui engendrent des prophéties, qui engendrent des écritures, qui normalement prévoient l'avenir. En réalité, ils ne prévoient pas l'avenir. Ils essaient de forcer l'humain à rester cadré dans ce qui a été écrit pour que ce qu'eux ont besoin maintenant s'accomplisse dans l'avenir. Ce n'est pas une prophétie, c'est une directive. Oui, une directive. Et nous, si nous disons, ben effectivement, c'est prévu, on n'aura pas le choix, ben on finit lentement, humanitairement, collectivement, par tout faire pour que ça arrive. Est-ce que Nostradamus, ça pouvait être quelqu'un comme ça? Michel de Nostradamus était un prophète de malheur qui a essayé de faire, évidemment, il était manipulé, mais dans sa centurie, comme beaucoup de prophètes des derniers temps, ils ont essayé de faire suffisamment peur à l'humain pour que l'humain ne fasse pas la prophétie. Sauf que l'humain comprenant mal la mécanique, plus il y a de prophètes qui disent « danger, danger, danger », plus on se dit « ben, pas le choix ». Danger, bombe nucléaire, ben c'est vrai. Fait que faisons-en, parce que sinon, quand même, si l'apocalypse arrive. Fait qu'à un moment donné, on en fait, puis on se dit « crime, il y a un gros, gros danger, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là ». Puis en plus, il va y avoir une guerre entre nous autres et eux autres. Ah oui, les astis, là, ils se préparent, là. Ah oui, c'est sûr, là, tu es en train de te mettre en colère contre, pour finalement qu'ils se mettent en colère contre toi, puis finalement qu'on finisse par l'accomplir, la maudite prophétie. Par contre, si on commence à parler différemment, si Jean de Patmos, celui qui a écrit l'Apocalypse, donc l'Apocalypse de Jean, si ce qu'il a écrit était une directive des dieux, faites cela. Mais si on décide qu'on ne veut plus écouter, on devient sacrilège, on devient hérétique. Parce que là, on rejette une partie de la Bible. Est-ce qu'on empêche l'Apocalypse d'arriver de cette façon-là? Non. Par contre, non, l'Apocalypse va arriver chez ceux qui croient à l'Apocalypse. Parce qu'il va y avoir plusieurs formes d'Apocalypse, plusieurs Apocalypses en même temps, et il y aura des individus qui ne vivront pas d'Apocalypse. Ils vont y échapper. Toutes les Apocalypses, il y aurait plus qu'une Apocalypse en même temps sur la même planète? Ah oui, l'homme ne se contentera jamais d'une seule. Ah bon? Dans différents pays ou dans différents niveaux? Bon, il y aura, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une Apocalypse? Il y en a un qui va perdre sa maison, puis ça va être le drame total. Il y en a un qui va perdre son pays, puis il va rire. C'est, donc, il va avoir nécessairement plusieurs apocalypses. Pourquoi? Parce qu'il y aura plusieurs personnages pour observer l'apocalypse. L'apocalypse, ce serait relatif à ce qu'on est capable de se supporter? À chaque individu, premièrement. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en plein apocalypse. Ils vivent déjà une apocalypse. Ils en ont peur, ils ont des abris nucléaires, ils ont des toilettes nucléaires, ils ont tout ce qu'il faut. Bon. Ils ont peur régulièrement. En Angleterre, on a des avions qui tournent 24 heures sur 24, des pilotes qui sont payés 24 heures sur 24 à l'année longue. Ce sont des riches britanniques qui payent ça. Parce qu'ils ont tellement peur qu'à un moment donné, les Russes finissent par descendre sans venir. Les avions sont prêts, neutralisés, ça tourne régulièrement. Chaque millionnaire a sa place là-dessus pour l'Amérique. Au cas où. Au cas où. Alors, ce ne sont pas des gens d'apocalypse. Si on calcule tout l'argent qui a été investi jusqu'à date, moi, je me partirais une compagnie d'avions juste pour ça. Ça use pas les avions, ils sont au sol, ils tournent tout le temps, tu payes du monde, fais de l'argent. Puis... Parce qu'ils sont payés le plein transport comme si les avions voyageaient régulièrement. Est-ce que c'est parce qu'ils s'écrètent? Immédiatement que ça n'arrivera pas? C'est qui, non, bien, eux autres, effectivement, ce qu'eux autres s'attendent à ce que n'arrivera pas. Ils vont peut-être mourir avant que ça parte, ou ça ne viendra pas comme ça, ou ça va venir du Sud, ou c'est les États-Unis qui, en tout cas, ça ne sera vraiment pas comme ils pensent, c'est évident. Mais pendant ce temps-là, ils sont déjà en plein apocalypse. Bon, comme les individus qui abandonnent tout parce qu'ils savent que c'est le 28 février 1992 que ça va arriver, il faut qu'on soit à telle place, là, puis ils ne disent pas à personne, fait qu'évidemment, tu te ramasses 3 4 000 là-bas. Et puis, deux jours après, tu te dis, bon, ben. Ça y est. Chose qui va pas, ma montre ça marche plus, là. C'est, pourtant, ça arrête de péter. Là. Bon, hein? Alors, il y a un jour, un enfant qui a fait un rêve justement assez intéressant comme ça, où il fuyait avec un groupe en pleine forêt. Il se cachait, puis pas de radio, rien. Puis 10 ans après, ben, il sortait de la forêt, il arrivait dans une ville. Puis c'était le paradis, il n'a pas eu d'apocalypse, finalement. Il a passé 10 ans dans le bois pour, 10 ans dans le bois pour rien, puis c'était passé à côté. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a comme idée que c'est mauvais, et c'est là pour aider l'humain. Mais c'est mauvais parce que les dieux qui vont perdre l'humain en tant qu'esclave alimentaire ont instruit l'humain, fais attention à ça, ne touche pas ceci. Un exemple, si tu es malade, eh bien c'est parce que Dieu veut vérifier ta foi en lui. Si tu meurs, c'est que Dieu t'a décidé de te ramener. La journée qu'on invente la médecine, ah ben il y a un maudit problème. Et finalement, ben, les dieux devant s'adapter vont dire que, ben oui, justement, ne tuez pas, préservez la vie. Tu dois tout faire en tant que médecin pour sauver. Bon, à un point tel, comme je disais l'autre fois, on tue les animaux quand ils sont blessés parce qu'on est humain, mais on garde vivants ceux qui sont même plus capables de vivre parce qu'on est humain encore. Alors finalement, les dieux s'adaptent, mais les dieux ont toujours, toutes les religions et toutes les lois qui ont été menées par les prêtres, ainsi que les lois menées par les livres, les lois de Dieu, ont toujours été des lois anti-évolution, anti-ouverture de conscience. Quand dans l'Antiquité, on posait une question, on avait une réponse, c'était « les voies de Dieu sont impénétrables », traduit en québécois aujourd'hui par « va donc te coucher, ferme ta gueule ». Bon, alors c'est toujours les mécaniques qu'on a connues. Satan, quel est le rôle de Satan dans l'Apocalypse? Satan a comme fonction principale d'aider l'humain, et non pas de lui nuire. Et pourquoi on pense qu'il doit nous nuire? Parce que Dieu l'a dit. Mais est-ce que c'est pas pour qu'il nous aide, justement, vu que ça marche à l'envers, la plupart du temps? Tout ce que je prévois n'arrive pas. Oui, c'est que la mécanique va faire que ça va être l'inverse, mais les dieux ne le savent pas. Les dieux, ils ont parlé de faux prophètes. Mais la problématique qu'il y a, c'est qu'à l'instant où on met en garde quelqu'un contre les faux prophètes, parce qu'il faut faire attention, le Nazaréen a dit des choses, mais le premier évangile est apparu 93 ans après le départ du Nazaréen. On a éliminé des morceaux, rajouté des bebelles, fait ça, là, tout, on a amélioré. C'était long à écrire. Oui, oh, c'est ça, c'était long à écrire. Alors, il y a des choses là-dedans qui, en tout cas, il faut faire un peu attention à ce qu'on va lire. Les faux prophètes, comment voulez-vous dire à un humain, bon, si je pose la question à quelqu'un dans la salle ici, êtes-vous capable de reconnaître le vrai prophète? Non? Bon, bien attention, on aura plein de faux. Bon, bien quand tu auras encore rencontré le vrai, tu l'as envoyé en prison avec les autres. Comment veux-tu savoir qui est un vrai, qui est un faux? Mais si moi je dis à l'humain, par contre, savez-vous donc de votre conscience? Quand il y en a un que ça te vibre, vas-y. Quand il ne vibre plus, lâche-le. Que ce soit le vrai, que ce soit le faux, c'est la seule façon que tu peux réellement fonctionner. Tu peux dire, peut-être j'ai lâché le bon, mais là, présentement, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, ça ne m'allait plus. L'homme doit être son seul maître. Mieux vaut faire ça comme ça. Puis si Dieu t'haït parce que tu as lâché le bon, alors qu'il ne t'a jamais donné les outils pour le connaître, le bon, bien, haït Dieu ton tour. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Alors, il y a énormément de pièges dans ce genre. Il y aura plusieurs faux prophètes, oui. Mais il y aura aussi plusieurs vrais personnages. Et encore une fois, le prophète, c'est celui qui prophétise dans l'avenir. Mais on n'a plus besoin de prophète. Qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir qu'est-ce qui peut-être va arriver dans l'avenir? Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe chez nous. Quand il pleut puis on gueule, pas besoin d'un prophète. C'est pas ça que j'ai besoin encore. J'ai besoin d'être capable de laisser les conditions climatologiques traverser leur temps sans affecter ma psychologie. Quand j'ai une crevaison, je chiale. C'est pas un prophète que j'ai besoin. J'ai pas besoin de savoir comment éviter l'apocalypse. Crime, je suis même pas capable de supporter un pneu qui vient d'éclater. Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour le réparer, on a vraiment pas de problème. Est-ce qu'on peut considérer que la journée où tu as une crevaison, tu n'es pas capable de le supporter, c'est une forme d'apocalypse? C'est un apocalypse local, limité, très, très, très nombritique, mais c'est ça l'apocalypse. Alors à un moment donné, ça va être quoi? Ça va être des fusées qui vont manquer de carburant puis qui vont tomber. Ça va être, on parle évidemment des missiles. Ça va être plusieurs choses du genre. Ben, c'est la même affaire. On fait juste détruire des formes, des illusions, mais l'humain va crier. C'est une apocalypse, mais ce n'est pas la vraie apocalypse. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les prophètes s'entendent sur une chose. Et c'est l'humain, les dieux et l'humain qui s'intéressent à cela. Qu'est-ce que c'est l'apocalypse? Après l'apocalypse, il y aura apparemment le millénium. Ou dans la Bible, on parle de 1000 ans de paix. C'est 13 800 ans, en réalité, où il n'y aura pas de problème majeur. Il y a, dans chaque expression de prophète, la menée de l'apocalypse et ensuite l'apothéose. Alors, qu'est-ce qu'on fout, bordel, de tout planter nos énergies sur l'apocalypse, comme si c'était la fin? C'est la fin d'un monde. Le monde de l'involution, on arrive dans la fin du cycle de l'âge du mal, de l'âge du refroidissement. Et après ça, on remonte. Mais toutes les divinités qui se sont nourries pendant qu'on descendait, eux autres vont tout faire pour qu'on ne parte pas de l'autre côté. Parce qu'on va les abandonner, on va les digérer, on va refaire des paradis sur la planète avec leur énergie, au lieu de démolir la planète Terre pour créer des énergies dans le monde de la mort. Alors, c'est évident qu'il y aura des souffrances, qu'il y aura des pleurs et des grincements de dentiers, mais lorsque l'humain, on est tout proche, et toutes ces divinités ont investi l'humain de « touchez pas ceci, ne faites pas ceci ». Mais pourquoi il y aurait des guerres ou des bombardements pour arriver justement à la fin du cycle de mal? Si c'est la fin du mal, il ne devrait pas y avoir de bombardements. Pour la simple raison que la conscience de l'humain, un ajusteur de pensée, c'est ce qui permet à la conscience supramentale, c'est-à-dire aux mécaniques de l'esprit, d'entrer en contact avec l'homme. L'ajusteur de pensée ne peut entrer en contact avec l'humain que lorsque le mental est suffisamment énergisé. Le mental devient suffisamment énergisé lorsque l'expérience du passé ne parvient pas à régler les problèmes de l'actuel. Étant donné que l'expérience ne sert pas à régler les problèmes, automatiquement l'ego qui souffre, parce que l'ego est hautement anti-homme, hautement satanique, l'ego qui souffre autorise le mental à trouver une solution neuve. Là, ben, démerde-toi, là, il faut que tu fasses quelque chose, ce qui arrive, tu n'as jamais vu ça. Le mental, ayant maintenant une liberté, commence à travailler. Fonctionnant, il manque d'énergie, l'ego lui en envoie en masse, les mémoires volatiles sont à lui, tu trouves quelque chose. S'énergisant, le mental finit par être suffisamment vibrant pour entrer en contact avec l'ajusteur de pensée, et immédiatement, toute la vision de ce qui se passe change chez l'humain. Pour que cela arrive, il faut que l'humain parvienne à une phase d'écœurement, de l'écœurement, on en a déjà parlé. L'humain monte, il y a, disons, en haut du micro, ici, c'est le haut de la montagne. Quand tu arrives ici, au niveau de la souffrance et de l'écœurement et de la mentalisation, tout est réglé, tu n'es plus apocalyptisable. Tu es maintenant quelqu'un qui est conscientisable, supramentalisable, immortalisable, sauvable. Tu te sauves toi-même. Sauf que l'humain souffre, quand il arrive presque en haut, ben là, on lâche un peu, fait que l'humain redescend sa côte. Puis là, l'humain, quand il est rendu en bas, il redonnait la... Là, il mange chocolat, puis il descend jusqu'en bas. Le Kali Yuga du Kali Yuga, il y a un organisme, un bonhomme qui s'appelle Hiram Abiff, qui lui va engendrer une organisation secrète qui s'appelle la franc-maçonnerie. Hiram Abiff, Salomon l'a connu, il revient sous le nom de Lazare, il revient sous le nom de Christian Rosenkreuz, et il va engendrer l'ordre rosicrucien, qui va être l'antipode énergétique de la franc-maçonnerie. Et il va revenir plus tard sous le nom du comte de Saint-Germain, Thomas Paine, il est revenu présentement sous le nom de plusieurs personnages. Maintenant, ce qu'on comprend, c'est que la mécanicité évolutive est entretenue par une partie mentale, Saint-Germain, grande partie luciférienne, qui approche de la fin, c'est-à-dire que d'ici peu, l'humanité va être remise dans les mains de l'humanité. Et il y aura un consensus télépathique qu'on va appeler le grand monarque. Après l'apocalypse, on parle donc d'apothéose. Est-ce que Saint-Germain a affaire là-dedans? Ben Saint-Germain, c'est finalement la mécanique qui dirige le mal, qui dirige le bien. Mais dans, avec le grand monarque, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Ben rien. Il décolle avant la vue du grand monarque. Il disparaît. C'est ça. Maintenant, la franc-maçonnerie, c'est ce qui a, servi à engendrer la Révolution française. La franc-maçonnerie, c'est ce qui a forcé la séparation de la colonie anglaise dans les Nouvelles Terres des Anglais, créant les États-Unis d'Amérique. La franc-maçonnerie, c'est ce qui a supporté beaucoup de prêtres juifs pour engendrer l'extermination massive de beaucoup de juifs, pour forcer l'Allemagne à entrer en guerre, pour pousser beaucoup de peuples de l'Europe à immigrer en Amérique, pour mélanger les races, mélanger les sangs, pour engendrer un peuple plus puissant, un peuple neuf. Est-ce que la franc-maçonnerie est satanique ou luciférienne? La franc-maçonnerie, elle est ce que l'on voudra. Chose certaine, c'est qu'elle a toujours été vue par ceux qui savent un peu plus comme étant le mal. Alors qu'il y a beaucoup de francs-maçons, comme ici, on a une loge franc-maçonnique, et c'est sûr que si on dit aux gens, les francs-maçons, c'est ceux qui mènent les guerres, ben là, il y a beaucoup de personnes, vraiment, les francs-maçons n'aimeront pas, parce que la majorité des francs-maçons ne le savent pas. S'ils étudient l'histoire, ils vont dire, oh, mais ça, c'est une loge qui ben, c'est ça, ben, c'est la franc-maçonnerie. Par contre, l'Ordre aux Écritiens a eu comme mission, une fois que la franc-maçonnerie est passée pour massacrer l'herbe, les roses proviennent pour empêcher le désert d'apparaître et vont recultiver de l'herbe. C'est Lazare, finalement, qui contrôle les deux parties, où on tape, où on répare, où on tape, où on répare. Présentement, on se dirige vers le mal du mal, c'est-à-dire que l'humanité au complet doit souffrir suffisamment pour que tous les corps physiques qui ont un cerveau suffisamment mentalisé puissent être capables d'entrer en contact avec un ajusteur de pensée, s'écœurer encore plus la problématique. Pendant que l'animal humain va y aller, lui, à perte couture. Pourquoi? Parce que les dieux vont profiter de l'occasion pour essayer de s'énergiser un bon coup. Alors, souffrance, guerre, vas-y, tu te sacrifies, bon, on va y aller. Parce que la prochaine guerre va être comme la guerre mondiale, la deuxième, une guerre religieuse, une guerre sainte, un djihad. Et immédiatement, ce qui va arriver, c'est que la majorité des humains, en l'occurrence, à côté sur le contexte nord-planétaire, surtout au niveau de l'Amérique, surtout au niveau du Québec ésotérique et du bouclier canadien, puis évidemment, au Québec, ici, on a beaucoup d'individus qui sont aptes à être supramentalisables. Il va y avoir juste ce qu'il faut pour que l'humain arrive en haut. Une fois arrivé en haut, l'apocalypse va continuer. Ce n'est plus son apocalypse. Satan, qu'est-ce qu'il fait, Satan? C'est comme quand on parlait de l'Antichrist à un moment donné. L'Antichrist, c'est un phénomène qui vient et qui va démolir l'image du Christ. Puis l'Antichrist, est-ce que l'Antichrist, c'est quelque chose qui vient avant et qui démolit aussi l'image du Christ. Anti, on a déjà vu qu'antichambre, c'était la pièce avant. Anti ne veut pas dire nécessairement contre, ça veut dire surtout en grec, avant, antérieur, à. Antidéluvien, avant le déluge. Antédéluvien, avant le déluge aussi. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'antéchrist travaille pour l'humain, il ne travaille pas contre l'humain. L'antéchrist, c'est la bête, c'est autre chose. L'antéchrist, c'est un phénomène qui vient démolir l'image que l'homme se fait du Christ, de l'intelligence christique, des divinités réelles, des créationneurs, des hiérarchies célestes. Il l'a démoli parce que c'est pas la bonne? Il l'a démoli parce que c'est une forme qui est extraordinairement utile et qui présentement n'est plus utile. Au lieu d'adorer un crucifix, maintenant, tu n'as plus besoin de se mettre dans le feu et c'est quelque chose de plus poussé, plus loin que tu vas aller chercher. Mais le crucifix qui, à l'origine, devait concentrer la pensée folâtre de l'humain, faire quelque chose, ici, c'est j'adore E.T. Bon, alors le crucifix devait concentrer la pensée de l'humain pour qu'une fois que l'humain est concentré là, à cause de l'ordre de l'égrégore, il puisse communiquer directement son émotivité à l'égrégore christique en question. C'était juste un outil. C'était un outil, comme les icônes. Mais quand, à un moment donné, tu ne feras aucune représentation des images de la terre ou du ciel, c'est que si j'adore une statue de tatou, ben nécessairement, j'énergise un tatou, un dieu tatou. Mais le pauvre type en haut, là, qui s'appelle Dieu, lui, qui a besoin que je l'énergise, lui, il n'aime pas ça. Fait qu'à un moment donné, il y a une des lois qui va être, tu ne feras aucune représentation des choses du ciel ou de la terre. Mais il va aller dans aucune église, si vous voulez voir la loi appliquée, parce qu'il n'y a pas une seule église qui l'applique. Pourquoi? Parce que finalement, quand Moïse, puis quand d'autres personnages ont unifié les dieux pour en faire une monothéie, ben nécessairement, les archanges, les saints veulent être nourris, les saints. Quand on va dans une église, on a même des fois le diable qui est là. Bon, en plus du Christ, de la Vierge Marie, de Joseph, du Saint Machin, de ci, de ça, on a plusieurs idoles. On est idolâtre. Même, on peut être idolâtre dans la conscience. Quand on personnifie l'intelligence, qui est le phénomène christique, quand on personnifie les phénomènes créationnels ou intentionnels, eh bien, on limite exactement notre conscience à ce qu'on a personnifié. Mais comme on ne peut personnifier qu'à partir de l'expérience qu'on a, et l'expérience qu'on a n'étant pas l'expérience de la réalité ou de l'ouverture vers laquelle on va, mais plutôt la fermeture vers laquelle on vient, nécessairement, si on adore le petit trou que je vois là-bas, le man avant adore ça, il faut à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui vienne dans la vie, sur la planète Terre pour venir briser cette affaire-là pour que je me rende compte que, effectivement, c'est l'autre bord que je voyageais. Pour les mécaniques qui sont totalement assujettis à la tradition, tout ce qui vient détruire la tradition devient un phénomène très dangereux. Tout ce qui amène du neuf devient très dangereux. Le Nazaréen, lui, avait été protégé par des missionnaires prophétiques qui étaient passés avant lui pour engendrer les prophéties, les Écritures, par laquelle, lorsque le Christ est descendu dans un corps physique, qui l'a christifié, donc il a pris Jéhoshua ben Joseph pour en faire Jésus-Christ, lui se faisait passer, se faisait appeler Nazaréen, c'est le nom de l'initié ou du maître. Ben lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il a pris les Écritures qu'on avait préparées pour lui, et il a simplement lu les Écritures en disant « Ceci est accompli ». Et plus tard, il disait « Oui, mais il est écrit que ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ». Ça l'a protégé. Mais le Torieux, il a fini en disant « Méfiez-vous dans l'avenir ». Ce qui fait que finalement, toutes les Écritures aujourd'hui, tout le monde veut se les approprier. Mais pourquoi il a fait ça? Pour obliger l'intelligence à descendre pluralisée dans plusieurs humains. Pour qu'elle ne se concentre pas sur un humain. D'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale a servi à ça avec, empêcher le peuple juif de recevoir la prochaine descente de conscience supramentale qui avait été monopolisée par eux autres, étant donné que c'était le peuple, et ça l'a été jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le peuple qui, égrégorement, était le plus puissant, pour que l'intelligence ne soit pas obligée de revenir dans le peuple juif, parce que le peuple serait pris pour ce qu'il n'est pas tout à fait. Alors, ça c'est donc que le peuple a été suffisamment massacré pour que les alimentaires, les êtres humains, ne puissent plus nourrir le Dieu. Et automatiquement, l'intelligence est descendue ailleurs, en l'occurrence, en Amérique. Elle se répand un peu sur la planète, parce que l'Amérique, c'est les États-Unis, elle est descendue aux États-Unis. Ça serait parti à cause que tu t'invites un Américain chez vous, puis deux semaines après, c'est conquis. C'est coloniste. Et puis, bon. Le rôle de Satan, c'est une mécanique matérielle qui, présentement, en contact avec une mécanique luciférienne, c'est-à-dire que Satan a été contrôlé, il y a de cela quelques milliards d'années, non, pas tant que ça, 300 millions d'années, il a été manipulé par Lucifer au-delà des dieux. Satan est une mécanique qui a de l'ego, donc qui lutte contre les dieux. Cela fait partie du phénomène des divinités. Il n'y a pas une seule religion qui n'a pas sa contrepartie négative. Négative qui travaille contre, alimenter pas ça. Satan va, présentement et prochainement, va renouer un contact avec le phénomène luciférien, c'est-à-dire avec l'intelligence. Si Satan renoue un contact avec l'intelligence, automatiquement, Satan devient le serviteur de l'intelligence. Quand on considère le Nazaréen qui, à un moment donné, on a Jésus, l'ego de Jésus, qui est vesti d'un anti-homme, qui s'en va dans un désert, et à un moment donné, Satan lui offre des choses, c'est la matière. C'est ce qui matérialise l'humain. Mais l'intelligence doit traverser suffisamment les mécaniques divines pour s'implanter suffisamment dans Jésus, pour, premièrement, rejeter l'anti-homme du Nazaréen à l'extérieur, ce qui va venir renforcer la puissance de Satan qui entoure le Nazaréen. Mais en même temps, la conscience christique va maintenant être suffisamment implantée pour devenir le maître et ordonner à Satan. Est-ce qu'à ce moment-là, l'intelligence contrôlera la matière? Pour le Nazaréen, automatiquement, l'intelligence a contrôlé Satan. Satan étant ce qui ordonne aux forces belzébutiennes, qui sont les gestionnaires de l'énergie vitale, donc de la matière, le Nazaréen pouvait donc maintenant faire ce que lui appelle des miracles. C'est-à-dire que c'était pas grand-chose, c'était la moitié d'un rare. Plus tard, on va faire des rares. Lui faisait des miracles. C'est la moitié, c'est un rare. Voilà. Alors plus tard, il a dit lui-même, vous ferez plus que moi. On fait des rares, nous. Bon. Alors, lorsque cela est fait, l'intelligence contrôle les mécaniques sataniennes. L'humain, c'est la même chose. Moi, dans le séminaire, j'explique souvent aux personnes qu'ils doivent développer leur autorité mentale dans l'astral. L'autorité mentale dans l'astral, c'est premièrement l'humain de connaître suffisamment son anti-homme, de connaître suffisamment son ego. Mais ça, c'est pas même compliqué, parce qu'après deux jours, les gens ils connaissent en masse leur anti-homme puis leur ego. Après ça, ils vont passer plusieurs mois à se plaindre qu'il y en a un, puis à se plaindre qu'il fait ceci, puis qu'il fait cela, puis qu'il est comme ça, puis qu'il est plus fort, puis qu'il est bon, etc. C'est correct, leurs yeux s'ouvrent, donc ils découvrent de plus en plus qu'ils sont cohabitants, hein, ils sont colocataires d'un corps physique. Et à un moment donné, développant leur mental, parce que justement, ils s'écœurent, ils se frustrent, voulant devenir des aristocrates planétaires, ce qu'on appelait à un moment donné chevaliers supramentales, si on prend des termes de la tradition, développant une aristocratie, donc voulant contrôler la matière, pour que la matière finisse par leur donner le temps et l'espace, c'est-à-dire que l'humain devra être libre de travailler, il ne devra plus travailler, Ce que les Juifs ont toujours voulu faire aussi, ce que les Juifs ont souvent réussi, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les animaux humains les ont tant haïs. Et lentement, l'être humain qui va évoluer, l'être humain qui, par exemple, se mentalise, va commencer à ordonner. Premièrement, il peut passer par la première phase, qui est la colère mentale, qui va être de faire un vide un peu autour de lui au niveau du monde de la mort. On le laisse en paix quelques heures ou quelques jours. Mais lentement, il doit développer sa autorité mentale dans l'astral, et là, il va commencer à contrôler les mécaniques sataniennes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fera une expérience que j'ai déjà fait lorsque j'étais jeune, c'est intéressant, il fera une expérience bien encadrée, c'est une expérience qu'on ne doit pas partir pour aller tenter. C'est celle de se retrouver quelque part en plein milieu d'une forêt, par exemple, la nuit, si vous pouvez être intéressant la nuit, parce que là, l'ego est extrêmement pissou, et d'appeler Satan. Satan doit venir. Si Satan vient, premièrement, Satan ne vient pas. Satan envoie Belzébuth, il envoie des mécaniques diaboliques, il envoie des conneries pour voir c'est quoi ce con-là. Et puis, ces mécaniques-là viennent, puis ils vont essayer de te faire peur, de te ramasser. Quand ça va bien mal, tu ressors de là possédé. Sinon mort, mais c'est quand ça va bien mal. Mais ça va rarement bien mal. En tout cas, j'ai pas vu, moi, de gens que ça était bien mal. Non, t'as pas vu, justement. Non, mais c'est ça, ceux qui étaient à coin, c'est pas des bien mal. Ceux qui étaient ailleurs, c'est autre chose. J'en connais dans le passé qui ont essayé, c'était bien mal. Mais c'est pas grave, ils sont venus maintenant. Maintenant, ça va aller mieux. Et lorsque tu es capable de contrôler ces mécaniques, on envoie des hiérarchies plus intéressantes. Est-ce que ça peut être remplacé par une belle-mère ou quoi? Non. Non, la belle-mère, non. La belle-mère, c'est... Qu'est-ce que ça donne de faire ça, d'affronter Satan? Oh, c'est ça. Okay. Donc, si on est marié, on n'a pas besoin de faire ça. Chaque étape! Okay. Non, la belle-mère, non. La belle-mère, c'est le beau-fils qui est le problème. Mais qu'est-ce que ça donne de faire ça, de rencontrer Satan ou de... Bon, ce que ça donne, c'est ce qui va arriver de toute façon au niveau de l'humain, sauf qu'il faut faire attention. Plus il y a d'humains qui vont... Bon, dans le cas du Nazaréen, il a rencontré Satan et il a dominé Satan. Dominant Satan, il avait maintenant la possibilité, en passant par-dessus les mécaniques qui contrôlaient le plan planétaire, les mécaniques des dieux célestes, et je ne parle pas des mécaniques des hiérarchies céleste, celles des cieux, en traversant les mécaniques célestes, il pouvait maintenant contrôler. Cela voulait dire que, premièrement, il n'était plus manipulé par les forces astrales planétaires, qu'il n'était sujet à aucun karma planétaire, qu'il n'avait aucune souffrance planétaire, qu'il ne pouvait pas vivre comme l'animal humain vivait, qu'il était immortel, qu'il n'avait plus besoin de travailler régulièrement à se dire « Ah, faut pas que je le fasse, ah, faut que je le fasse. » C'était réglé, réglé, réglé, son chemin était libre, libre, libre, libre. Et il pouvait contrôler la matière, donc, ce qu'on appelait faire des moitiés de rock, faire du pain, faire de l'eau, faire du vin, parce que là-bas, à l'époque, le vin, ça se vendait cher, fait qu'on faisait du vin, marcher sur les eaux, puis se revoler, faire un paquet d'autres choses qu'on n'a pas vues. Et l'humain qui arrive à avoir une autorité sur le phénomène satanéen, premièrement, va avoir plus de facilité à contrôler son antihomme, à le digérer ou à l'expulser. Deuxièmement, lui avec, finit par se désassujettir du karma planétaire, ce qui le libère totalement des contraintes matérielles. Mais est-ce que être face à notre ego, ce ne serait pas être face à Satan? Oui, quand ton ego, c'est-à-dire que quand tu regardes ton ego à l'intérieur de toi qui t'embête, on peut plutôt considérer que tu es possédé par un phénomène diabolique. C'est un diable. T'es un bon diable. T'es un bon diable et un petit Christ. C'est ça. Parce que l'humain est toujours à l'inverse. Il comprend jamais rien, c'est ça. Bon diable, mais il y a un petit Christ quand c'est pas correct. Mais lorsque tu te confrontes à ton ego, disons un phénomène diabolique, mais il porte un nom plus précis qui va être ego ou anti-homme. Lorsqu'il est rejeté à l'extérieur de toi, c'est le double anti-homme. Là, effectivement, c'est un phénomène diabolique. Lui, si tu le regardes à l'extérieur de toi, va finir par disparaître. Ou tu vas le récupérer, le digérer et en faire un double éthérique pour t'immortaliser au niveau de ta conscience lucide, ou il sera digéré par la mécanique sataniennes planétaire. Ce qui va arriver, c'est que lorsque tu as fait cela, tu peux contrôler les mécaniques sataniennes, donc en traversant par-dessus la mécanique des dieux, toutes les lois que nous connaissons ne sont plus les lois qui t'appartiennent. Un exemple, prenons l'exemple à cause de Nazaréen, tout le monde a faim, il faut faire du pain. Les lois matérielles des dieux où l'humain doit souffrir et travailler pour, vu que lui passe directement au-delà de cela, donc il sursaute, il saute par-dessus la mécanique des dieux, vous voulez du pain, prenez-en du pain, c'est simple. Alors, je traverse là-bas, je n'ai pas besoin de prendre un bateau ou quoi que ce soit, parce que c'est absolument illogique, immental, inintelligent de devoir prendre une embarcation, de devoir brûler de l'énergie, de devoir ramer, de devoir se mouiller pour aller quelque part. Il n'y a rien de plus absurde dans l'intelligence que la façon dont l'humain vit sur le plan planétaire. Il doit s'alimenter quelques fois par jour, et s'il s'alimente mal, le corps physique faiblit, il doit dormir au lieu de vivre, il doit prendre du temps pour se déplacer d'un endroit à un autre, il doit, ça n'a aucun sens, il doit se guérir, s'entretenir, faire attention à ceci. Quand il se fait écraser par une automobile qui capote, tout est clapoutillé, C'est ridicule, parce qu'on doit aller dans le monde de la mort, créer un corps physique, revenir dedans, prendre un enfant, le faire grandir jusqu'à temps que la conscience puisse recommencer à venir dessus. Mais c'est Satan qui contrôle tout ça, la matière, les automobiles, les bateaux, les avions. Oui. Le luxe là-dedans ou. Le luxe, finalement, c'est Ariman par en dessous. Lucifer contrôle ce genre de choses avec. Moi, j'ai déjà expliqué qu'une personne totalement possédée par une mécanique luciférienne, c'est comme Adolf Hitler. C'est comme un génie du mal, comme on voit dans James Bond. Une personne possédée par les mécaniques satanéennes, c'est une personne qui... C'est un groupe souvent collectif. Ça va être comme sur la rue Sainte-Catherine lorsque le Canadien gagne la Coupe Stanley. Ça va être dans le lors des conflits militaires guerriers, c'est Satan qui collectivise les gens puis qui les envoie se battre. Comme le peuple allemand, à un moment donné, qui n'importe qui faisait ça, tout le monde se garochait pour le faire avec. C'était obligatoire. Et une possession diabolique, autre que ton propre diable, ton propre ego, là, ça devient une possession extrêmement maligne, c'est-à-dire que là, tu peux baver, tu vas uriner partout, déféquer partout, tu vas maganer des choses, tu peux être télékinésiste, faire bouger les objets à distance, mais tu es réellement pire que l'animal. Là, on est rendu dans un ego qui n'a même pas d'entité luciférienne chez lui, donc c'est même pas un ego propre. C'est exclusivement satanique. Oui. Exclusivement, c'est pas satanique, exclusivement diabolique. Satanique, c'est au niveau d'une collectivité. Bon. Par contre, lorsque l'humain arrive à contrôler la mécanique sataniste, il contrôle toute la matière, ce qui fait qu'il a mainmise. L'intelligence a maintenant mainmise sur le phénomène divin. Le Nazaréen disait « Je suis le fils de mon père dans le ciel ». Ça n'a pas été long qu'il parlait de son père dans les cieux. Il avait donc transcendé la mécanique maintenant et il était totalement christique. Il a le père dans les cieux jusqu'à un moment donné où, fusionnant son double éthérique avec lui-même, il devient ce qu'il a dit lui-même « Je suis ». Je ne suis plus rien, je suis. Bon. Alors, le rôle de Satan dans la prochaine Apocalypse, c'est un rôle qui est double. Détruire ce qui empêche l'intelligence d'être terrestrifiée, donc de venir luminiser la conscience matérielle de l'humain, et aider, donc en contrepartie, la descente de l'intelligence supramentale à l'échelle de la planète. Mais par le fait même, il devient esclave de l'intelligence. Donc, il s'auto-détruit, il n'est pas brillant. Pour ne pas être brillant, il n'est pas brillant. De toute façon, l'humain non plus, puis l'humain est plus puissant que Satan. Sauf que l'humain s'assujettit aux dieux, et les dieux contrôlent Satan, donc l'humain est assujetti à Satan. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas compliqué. Ben, tu viens qu'alors je te dis un peu pour que Satan vienne. Mais il faut que quelqu'un l'avertisse. Satan n'est pas toujours autour de toi comme ça à attendre que Dieu s'en aille, parce que Dieu n'est souvent pas là. Mais si on veut... Il ne s'attend pas à recevoir un appel. Ah, il ne s'attend pas à grand-chose. C'est Dieu qui l'envoie. Dieu envoie ses sbires pour te ramener dans la bonne voie. Et oui. Alors donc, le rôle de Satan va être donc, je dis double. L'humain va vivre différentes apocalypses, mais ce que l'humain doit constater, c'est que si vous avez suffisamment de conscience, on ne doit pas travailler sur comment échapper à l'apocalypse. C'est ridicule. Ceux qui échappent à une apocalypse, c'est ceux qui ont une utilité après l'apocalypse. C'est simplement évident et c'est simplement logique. Ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi on ne doit pas travailler à l'éviter? Travaille donc à être utile après. OK. Tout ça, c'est la façon de faire le tour de l'apocalypse? Exact. Et de ce fait, la majorité des problèmes apocalyptiques ne nous toucheront pas. Et l'humain va dire, oui, mais ça, c'est bien beau, ça, c'est bien beau, ça, mais rien qui nous dit que... Effectivement, si tu meurs, ben, tu seras mort. Hein? Et si par hasard, tu te ramasses vivant, tu dis, bon, ça y est, je suis vivant, maintenant, je fais quoi? Tu n'as rien préparé. À l'époque où tu avais le temps, tu essayais d'éviter l'apocalypse, maintenant que tu as réussi, c'est ça, c'est un apocalypse, maintenant que tu as réussi, tu es fait à l'os, là, il ne sait plus quoi faire. Parce que l'humain qui se retrouve après un apocalypse doit être drôlement solide. Combien va-t-il rester beaucoup de corps? Il va rester suffisamment de corps. Un peu plus qu'un corps de l'humanité. Est-ce qu'ils vont être vivants, ces corps-là, ou ils vont être des corps morts? Oui, des corps animés, des corps vivants. Il va en avoir en masse, il va y avoir encore beaucoup d'animaux humains qui vont devoir servir à reconstruire sous l'égide de ceux qui vont avoir une conscience pour les diriger. Il va y avoir en masse d'humains. La seule affaire qu'il y a, c'est que l'humain doit travailler à contrôler les mécaniques sataniennes. L'humain doit travailler à contrôler les mécaniques qui peuvent servir l'humain. Premièrement, on doit abandonner tous les phénomènes traditionnels. Ça ne nous empêche pas de comprendre la tradition. Ça ne nous empêche pas de comprendre la mécanique traditionnelle. Pourquoi? Parce que la majorité de la population planétaire est assujettie à ces mécaniques. Donc, connaissant la mécanique de la tradition, on peut connaître un peu le mouvement des masses. Ce qui devrait arriver. Alors, on parle d'une guerre planétaire. On parle que lorsque le roi des Terres Neuves ira mettre son nez en Orient, au Proche-Orient, on sera tout proche. Le roi des Terres Neuves, à l'époque, c'était les États-Unis d'Amérique. On a énormément de prophéties où on s'attend à ce qu'à un moment donné, des peuples se lèvent en guerre les troupes humaines, la masse humaine, va nécessairement être manipulée par des phénomènes archangéliques qui sont noirs ou blancs, pour polariser la question, et qui sont manipulés bien souvent par des contingences sataniennes. Donc, et par des contingences de franc-maçonnerie aussi, certaines loges. La franc-maçonnerie fait le bien. Qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée, c'est que nous souffrons, puis nous cessons de souffrir, puis nous souffrons, puis nous cessons de souffrir. Puis à un moment donné, nous souffrons, puis il y en a un qu'on oublie de souffrir un peu trop, il devient un avatar, il est guidé à maître, il passe. Mais le reste souffre, puis ça s'en va. L'idée même de la franc-maçonnerie, l'idée même des phénomènes lucifériens, donc des phénomènes lazariens, c'est d'engendrer suffisamment de mal dans une époque de mal, de précipiter l'apocalypse pour que l'or plus d'humains traverse l'autre côté. Et concentrer le mal dans un plus court laps de temps. Oui. Et c'est ce qui a voulu, c'est ce qui a été tenté à l'époque d'Adolf Hitler. Mais intelligemment, il y avait une autre raison là-dessus, c'était les peuples n'étaient pas prêts, c'était pour pousser la migration et amener l'humain dans l'ère nucléaire. Mais c'est pourquoi il y a énormément de mécaniques qui, pour nous, paraissent extrêmement diaboliques. Qui poussent pour amener l'humain vers une souffrance majeure, mais en réalité, ça va faire passer l'humain vers un autre état. Un exemple, on a les mouvements pacifistes. Les mouvements pacifistes sont là pour amener la paix sur le plan planétaire. Ce sont des plans divins. Mais ces mouvements pacifistes-là sont permis par l'intelligence parce que dans les pays où il y aura des désarmements, à cause des mouvements pacifistes, les mouvements pacifistes apparaissent dans les pays les plus pacifiques, jamais dans les pays les plus dangereux. Les pays les plus dangereux ne font pas la guerre parce que les pays pacifiques sont trop armés. Les mouvements pacifistes amenés par les dieux, permis par l'intelligence, viennent désarmer les pays pacifiques, ce qui va permettre aux pays très dangereux de finalement pouvoir entrer en guerre et venir balayer ces pays-là, nous autres. C'est pour précipiter le mal. En réalité, pour précipiter l'ouverture de conscience d'une partie de l'humanité qui fait partie de l'aristocratie planétaire. Un bon coup de pied dans l'évolution. C'est ça, un bon coup de pied avec une bonne botte dans l'évolution. Maintenant, on va revenir lors de la deuxième partie sur comment ne pas participer à l'apocalypse des autres. On va éclaircir un peu ce phénomène, parce qu'effectivement, chacun son apocalypse, mais il y en a qui ne sont pas tellement belles. Ceux qui ont des questions, vous les indiquez sur un bout de papier. On vous rappelle que les cassettes de la première partie sont disponibles à l'extérieur. À bientôt.